Les journaux russes ont traité spécialement les 64 ans de la grande victoire coréenne dans la guerre de libération de la patrie. Comme son Moskaya Pravda a présenté en détail avec le tableau de peinture figurant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, que les militaires et civils coréens ont battu les impérialistes américains qui se vantaient d'être le plus puissant dans le monde et de leur victoire, et défendu la liberté et l'indépendance de la patrie sous l'imminente direction du président lors de la guerre de libération de la patrie. Zavtra a annoncé avec les données à l'appui que les impérialistes américains qui avaient provoqué la guerre contre la jeune Corée et y avaient mobilisé de pléthoriques forces armées ont vu se succéder les généraux vaincus et ont subi une défaite écrasante avec une grande perte.